Un, je t'offre ces asphodèles du fin fond des enfers en cible eschatologique, car le 1 produit le 2. Éphémères de l'échiquier écaille, Tiamat au bord de la mer menstruelle. Ne jamais choisir la caresse sicaire, et donc arrêt Nicole des ténèbres, fiancée au super éclat syntonique. Totalitaire. Cela danse sur les spires de nos spires, en paradoxe sur pattes, à l'époque charnière infinie. Qui saura achever ses devoirs? En incantation carcérale à la vision vassale d'une croisée neuronale bien trop improbable à verbaliser. Culpabilité cruciforme, écartelée en 40 sections prédatrices de faiblesse et affamée d'émergence obsessionnelle. C'est le nombre des portes à franchir. Cinq et sept satisfactions toujours serviles. Facile, en pistil, à fosse forte. Elle double tout le temps, c'est encore trois à éclosion explosive. Les tortures pures de l'aubépine saignent à blanc l'écarlate virginité des vices en ovulation argentée, nichée sur les pics du cou. Déguste ce sel, ceci et sa cyprine. Six, sexe synonyme en saisie stellaire, sanatorium des salauds. Oh mon beau serpent, étrangle-moi encore jusqu'à l'aurore, jusqu'à la saccade syntaxique de la jouissive transe. Sacerdoce transgressif, l'existence n'est qu'un sacrifice sans fin. Sauvage, sexe dans sauvage. Oh!